Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacou, je vous en prie, allons, ça devient casse-pied. Jour, nuit, chaud, froid, lumière, obscurité, flamme, eau. Rien de plus simple pour comprendre le feu que de le saisir à travers ses contraires. Si ce n'est que le feu est déjà en lui-même le paradoxe par excellence, à la fois bien et mal, plaisir et douleur, intime et universel. Et qui mieux que Gaston Bachelard pour l'allumer et l'entretenir dans toute sa complexité ? Les images cosmiques du feu ont une vitalité qui les fait réapparaître de tout temps, comme des fleurs du langage, comme des puissances d'expression pour toutes les passions humaines, pour les passions humaines dans leur conflit et dans leur ambivalence. Mon invité, Jean-Philippe Pierron, philosophe, enseignant à l'Université de Bourgogne, qui a écrit sur Bachelard, Les rêveries de Gaston Bachelard, qui a été édité aux éditions Les Petits Platons, Les puissances de l'imagination aux éditions Cerf. Mon invité, Jean-Philippe Pierron, est en route pour nous rejoindre et je vous propose, en l'attendant, d'écouter une archive de Gaston Bachelard qui nous explique comment le feu, ce dont on va parler dans l'heure qui vient, est un fil conducteur de sa pensée. Le premier livre que j'ai écrit, au point de vue littéraire, c'est La psychanalyse du feu. Il y a peut-être 25 ans de ça. Il a été réédité plusieurs fois, mais sans modification. Mais quand j'ai écrit ce petit livre, bon, j'étais vraiment, dans le domaine que j'abordais, un débutant. Et mes lectures ont continué. Je trouvais bien souvent des images sur le feu qui auraient, mon Dieu, si bien gonflé ce petit livre que j'ai amassé des notes, je les ai mis, n'est-ce pas, sur des feuilles volantes, puisque je suis un monstre de désordre. Et alors, j'ai dit un dossier qui est d'une épaisseur impossible. Et alors, de temps en temps, je veux le reconstituer sous la forme de la poétique du feu. Ma cheminée est un théâtre où l'on ne joue qu'un seul auteur, le feu. J'ai pris ma place devant l'âtre, c'est un spectacle pour les vieux. J'adore me régaler de flammes, j'ai pris assez de bûches pour ça. C'est mon harem de jeune femme, mon corps de ballet d'opéra. Ma place devant l'âtre, ma cheminée est un théâtre. Regardez-les, les chaudes gamines, batifolées à qui mieux. Je leur sers des serments de vigne, ça leur fait dresser les cheveux. C'est bien le moins que je leur dois, elles m'ont assez brûlé les doigts. Je deviens le metteur en scène de ces flamencos fastueux, parfois lascif, jamais obscène, que je me perds à petit feu. Le feu raconte des histoires illuminant la nuit des temps. Je connais tout le répertoire de ce génie incandescent. Le feu est un vieux. Bonjour Jean-Philippe Pierron. Bonjour. Je suis très heureuse de vous voir dans notre studio. J'avais peur que vous arriviez beaucoup plus tard que ça, mais vous êtes là. On est ravis. Vous êtes philosophe, enseignant à l'Université de Bourgogne. Vous avez écrit sur Gaston Bachelard. Je peux citer Les rêveries de Gaston Bachelard. C'est un livre paru aux excellentes éditions Les Petits Platons. Vous avez aussi écrit sur Les puissances de l'imagination. C'est aux éditions Cerf. Alors, on a entendu la voix de Bachelard qui nous racontait que le feu était un fil directeur de sa pensée. Et puis, on vient d'entendre cette chanson de Claude Nougaro, et qui l'eût cru, on a l'impression en fait que c'est un lecteur de Bachelard, s'appelle Ma cheminée est un théâtre. Vous êtes arrivé sur cette chanson et effectivement ça introduit parfaitement à la pensée de Gaston Bachelard sur le feu. Oui, ça y introduit pour plusieurs raisons. D'abord en fait parce qu'il rappelle que le feu devient un monde, un petit monde, et parce qu'il le fait en poésie. Et Bachelard va être attentif, même si c'est un philosophe des sciences très soucieux de rendre compte qu'il y a une chimie et une physique du feu, bien qu'il y a aussi une poétique du feu, et il le fait sur un rythme, parce qu'effectivement, à sa façon, le feu c'est aussi une rythmique, la raison pour laquelle peut-être lorsqu'on le regarde ou le contemple, eh bien on se rythmicise aussi, si l'on peut dire ainsi. Et je me dis aussi que cette entrée en matière, puisque étrange matière que celle du feu, elle vient après deux émissions qui, la première insistait sur la dimension cosmique du feu comme élément rendant compte d'une manière de faire monde, mais chez Bachelard, cette cosmicité du feu devient celle de l'âtre que chante Nougaro à l'instant, donc une cosmicité intime, je reprends cette formule. Et puis ce feu, il vient, enfin cette émission, elle vient aussi après une seconde émission qui mettait l'accent sur les méga-feux. Oui. Alors que ce qui intéresse Bachelard, c'est des micro-feux, si je puis dire. Donc la flamme d'une chandelle. La flamme d'une chandelle, qui est la métonymie peut-être radicale du feu. Et avant celle-ci, effectivement, le feu dans la cheminée, qui met en incandescence non seulement les matières, mais aussi nos imaginations et nos subjectivités. Alors vous l'avez dit, Jean-Philippe Pierron, Bachelard est d'un côté philosophe des sciences, de l'autre philosophe de l'imaginaire. C'est pas si opposé que ça, mais il faut quand même signaler qu'avant d'écrire ces grands livres connus sur le feu, donc je peux en citer quelques-uns, La psychanalyse du feu qui est paru en 1938, dont on va écouter des extraits plus tard, La flamme d'une chandelle, 1961, et un texte posthume de 88, Fragment d'une poétique du feu, eh bien il y a eu une étude de l'évolution d'un problème de physique, la propagation thermique dans les solides. C'est un texte de 1927. Donc ça veut dire que Bachelard, avant d'étudier en poète, en philosophe de l'imaginaire le feu, il a quand même tenté de l'approcher de manière scientifique et presque rationnelle. Oui, même on peut pas complètement dire presque, rationnel. Complètement rationnel, tout à fait. Pourquoi j'ai dit presque. Oui, oui. Complètement rationnel. Oui, mais peut-être qu'on dit presque parce que la publication en fait du livre La psychanalyse du feu est finalement le geste inaugural que déploie Bachelard en publiant ce livre La psychanalyse du feu, qui a dérouté ses lecteurs qu'il connaissait comme philosophe des sciences et effectivement, enfin, ça installe une inquiétude. Qu'est-ce qui se passe pour soudain redonner une légitimité à une poétique des images alors que toute sa philosophie des sciences concernant la chimie, la propagation de la chaleur, donc concernant le feu, c'est une entreprise qui vise à dévaster le rapport justement des partialités vécues, des investissements psychiques, des surinvestissements pulsionnels dont le feu est porteur et dont la philosophie des sciences cherche à se débarrasser. Effectivement, Bachelard, c'est ça qui est intéressant et qui est en même temps troublant. Il y a une énigme de cet homme qui... Mais est-ce que vous voulez dire qu'il y a eu un tournant, par exemple, chez Bachelard, ou est-ce que vraiment les deux ont toujours été concomitants, à savoir une pensée scientifique qui s'est développée aussi en même temps qu'un imaginaire, à savoir il faut étudier ce que l'on a d'abord rêvé. Est-ce que y a les deux vont ensemble, ou ce qui est vraiment bon face aux échecs, d'ailleurs Bachelard est connu pour le penseur des obstacles épistémologiques, face aux échecs de la science, face aux impossibilités de tout comprendre scientifiquement, seule l'imagination peut nous aider. On est en fait confronté toujours quand on lit un philosophe à ce qui fait l'intimité de sa pensée, hein, et donc ce qui est toujours frappant, c'est que il y a toute une dimension de la philosophie de Bachelard qui n'est pas écrite d'une certaine façon, parce que il y aurait pu aussi avoir toute une dimension sur le feu de la mitraille, donc une méditation pratique, j'allais dire, sur la question du feu dans sa dimension éthique et politique, qui laisse complètement silencieuse. Et effectivement, donc il y a un mystère de la pensée d'un homme toujours, et donc c'est vrai aussi pour celle de Bachelard. Et donc chez lui, il s'agit plus d'une dialectique que d'une dichotomie, hein, en montrant en fait qu'il y a une logique des images du feu, ce qu'il va appeler dans la psychanalyse du feu des diagrammes poétiques, autrement dit on peut lire les images du feu en montrant qu'il y a une cohérence, qu'elles ne sont pas délirantes, mais de l'autre côté, il montrait qu'il y avait déjà en science des images, mais des images qu'il fallait tester, contester, détester, pour faire précisément de la science et pas simplement de la projection de nos subjectivités. Et c'est sur ces images que Bachelard va travailler, notamment dans la psychanalyse du feu, à travers des complexes. Et je vous propose d'écouter un texte magnifique de Gaston Bachelard, interprété par Hélène Losseur, c'est sur la gaufre chaude. Aux dents de la crémaillère pendait le chaudron noir. La marmite sur trois pieds s'avançait dans la cendre chaude. Soufflant à grosses joues dans le tuyau d'acier, ma grand-mère rallumait les flammes endormies. Tout cuisait à la fois. Les pommes de terre pour les cochons, les pommes de terre plus fines pour la famille. Pour moi, un œuf frais cuisait sous la cendre. Le feu ne se mesure pas au sablier. L'œuf était cuit quand une goutte d'eau, souvent une goutte de salive, s'évaporait sur la coquille. Avant l'œuf, j'étais condamnée à la panade. Un jour, enfant coléreux et pressé, je jetai à pleine bouche ma soupe aux dents de la crémaillère. « Mange, cramaille ! Mange, cramaille !» Mais les jours de ma gentillesse, on apportait le gaufrier. Il écrasait de son rectangle le feu d'épines, rouge comme le dard des glaïeuls. Et déjà la gaufre était dans mon tablier, plus chaude aux doigts qu'aux lèvres. Alors oui, je mangeais du feu. Je mangeais son or, son odeur et jusqu'à son pétillement, tandis que la gaufre brûlante craquait sous mes dents. Et c'est toujours ainsi, par une sorte de plaisir de luxe, comme dessert, que le feu prouve son humanité. Il ne se borne pas à cuire. Il croustille. Il dort la galette. Il matérialise la fête des hommes. Aussi haut qu'on puisse remonter, la valeur gastronomique prime la valeur alimentaire. Et c'est dans la joie et non pas dans la peine que l'homme a trouvé son esprit. La conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors c'est vraiment un texte magnifique qu'on vient d'entendre, Jean-Philippe Hiéron. C'est un extrait de la psychanalyse du feu dans le chapitre 2, Feu et rêverie, le complexe d'Empédocle. C'est un texte qui est paru en 1938, la même année que la formation de l'esprit scientifique, un autre texte de Gaston Bachelard. Ce texte, on l'a entendu interprété par Hélène Losseur. Alors on sait même pas vraiment par où le prendre parce que il est tellement beau. En fait, on se retrouve tellement dans ce texte, on retrouve tellement les sensations qu'il décrit quand on croque dans une gaufre que c'est difficile même d'en faire une analyse un petit peu philosophique, c'est-à-dire de vouloir à tout prix en tirer un concept ou une pensée du feu, parce qu'en fait, on a l'impression qu'en décrivant cette expérience de croquer dans une gaufre chaude, Bachelard a tout dit, finalement, est arrivé presque à l'essence du feu en décrivant une expérience plutôt qu'en en donnant une définition. Oui, c'est-à-dire que ça rend la tâche difficile après pour nous qui devons pour commenter. Pour nous, on pourrait écouter du Bachelard tout le tout temps. Tout à fait. Effectivement, en fait, quand on dit qu'il a tout dit, je crois qu'en fait, ce que fait Bachelard dans ce texte, c'est bien évidemment autre chose que simplement rappeler une histoire personnelle. Mais c'est à partir d'une histoire personnelle nous rappeler que le feu, c'est jamais une idée. C'est d'abord une expérience, ce sont des expériences. Et donc c'est, du point de vue de sa poétique, une façon de rentrer dans l'analyse du feu à partir des partialités rêvées, délibérément rêvées. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par des partialités ? Parce que toute la philosophie des sciences de Bachelard, c'est une philosophie qui veut conquérir une forme de l'objectivité contre précisément les investissements non scientifiques, ce que vous appeliez tout à l'heure, rappeliez les obstacles épistémologiques, qui saturent nos connaissances de ce que nous croyons être le savoir, qui sont souvent la mémoire de représentations, des préjugés liés à une culture. Et donc, il a fait ce travail de dire les partialités, enfin, en matière de science, il s'agit de lutter contre les partialités, parce qu'elles sont... qui ne seraient pas fondées, relèveraient de croyances. C'est ça, parce qu'elles seraient la porte ouverte au subjectivisme, au relativisme, potentiellement à de l'irrationalité, à du pré-scientifique en tous les cas. Là où ce dont il est question dans le poétique, c'est de, si l'on peut dire, non seulement réhabiliter les images, mais de montrer qu'il y a une portée ontologique des images. Et donc, dans ce texte, effectivement, il y a plusieurs aspects, enfin, moi, que je retiendrai. Il y a le premier, d'abord, c'est de ne pas réduire, en dépit du titre dont est extrait ce texte, c'est-à-dire la psychanalyse du feu, de ne pas réduire le feu et les expériences du feu à des expériences névrotiques. Psychanalyse du feu, d'accord, mais pas freudisme. Pour le dire ainsi, si vous voulez, appeler la rêverie du feu ici, la rêverie d'un pyromane, ça serait finalement faire du freudisme, c'est-à-dire enlever au feu toute sa puissance et sa sublimité mythique. C'est ça, c'est qu'en écoutant ce texte, Jean-Philippe Piron, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se dire que Bachelard s'allonge sur le divan et nous fait part de ses souvenirs, de la goutte de salive sur la coquille de l'œuf, du fait qu'il croque dans une gaufre, du fait qu'il y avait les pommes de terre qui étaient cuites pour la famille. Donc finalement, en fait, Bachelard n'est pas en psychanalyse avec nous. En revanche, ces images-là qu'il nous soumet, il essaye d'en trouver la portée universelle et rationnelle, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire, en fait, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut lire ce texte à la manière d'un Bachelard sur le divan et dire, quelle relation particulière avec sa grand-mère, on peut le faire. Mais ce qui intéresse Bachelard, c'est de montrer que les images, et ici celles du feu, ne sont pas que des symptômes névrotique à la manière, par exemple, en fait, de la pyromanie. Les images, en fait, elles ont une vertu approfondissante d'une expérience du monde, voire elles sont un monde. Et c'est-à-dire qu'en fait, la rêverie de chacun et chacune d'entre nous, elle est activée par des matières. Et ce qu'il travaille ici, c'est la singularité de ces matières qui deviennent effectivement non plus des matières objets de science, mais matières suscitées, suscitant la possibilité de construire un onirisme interne qui nous mobilise, qui nous augmente intérieurement et qui, de cette façon, nous déploie dans notre subjectivité, mais pas au sens du subjectif. Au sens effectivement de l'existant que nous sommes. Ce qui fait qu'effectivement ce qui se livre là, c'est peut-être pour nous un carnet de voyage pour revenir sur nos propres expériences, par exemple du feu, et questionner comment elles nous habitent assez encore aujourd'hui pour nous habiliter comme sujet. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans une de ses phrases à la fin du texte qu'on a entendu. La conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. Oui, c'est un autre aspect par lequel on pourrait aussi prendre ce texte. C'est-à-dire que les intérêts utilitaires ou pragmatiques existent concernant les matières en général et le feu en particulier. On peut vouloir le domestiquer, le contrôler pour en faire matière et chose utile dans nos gazinières ou nos lampadaires. Pour Bachelard, si effectivement on est attentif à la question de l'onirisme, il nous tire, je trouve c'est intéressant ce texte, parce que finalement il nous parle de cuisine. Et les cuisiniers, sa grand-mère, mais les cuisiniers en général, sont les maîtres du feu, travaillent le feu, et les produits qu'ils nous proposent sont justement liés à des techniques du feu, mais qui disent quoi ? Qui disent que un métier ne se réduit pas à l'ensemble des techniques habiles qui rendent celui qui l'exerce compétent et grand. Un métier est habité par un onirisme. Et c'est-à-dire que tous les métiers, tous autant qu'ils sont, en fait, peuvent se raconter à partir des onirismes des matières. Et ce qui probablement aujourd'hui fait souffrir les professionnels, c'est qu'ils sont amputés de cet onirisme. Et oui, donc, par exemple, nous, là, dans ce studio, ou vous, philosophe, avec des livres, qu'est-ce qui nous reste de la matière ? Alors peut-être la voix, la radio, peut-être une certaine ambiance, ou peut-être la texture du papier, oui. Non, il ne faut pas dire « mais bon », oui. Mais c'est déjà beaucoup. Oui, c'est-à-dire que alors, effectivement, on est sur un autre registre. Bachelard a écrit sur la radio et sur l'onirisme à la radio en travaillant sur ce que c'est que le grain sur lequel travaillent les ingénieurs du son. Mais il dit finalement les ingénieurs du son, ils sont en même temps des ingénieurs en fait de l'onirisme. C'est-à-dire que le travail le plus technique aujourd'hui recouvre parfois la sensibilité et le soin qui est pris prise de son, le soin qui est pris pour que un son bien soit habité précisément d'une poétique. Et donc l'ingénieur du son est en même temps un ingénieur de l'onirisme de ceux et celles en fait qui écoutent les sons qu'il produit. Donc effectivement, ce qui est peut-être difficile dans nos sociétés, parce que Bachelard médite en fait sur des gestes ou des pratiques qui sont parfois anciennes, enfin des gestes anciens, hein, celui la cramaille de sa grand-mère. Pour nous, le plus difficile, c'est que le rapport aux matières sont médiatisés. Effectivement, entre nous et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a tout un système technique extrêmement complexe qui nous éloigne d'eux. Et toute la ruse, c'est de parvenir malgré tout à leur proposer des images poétiques, un type de monde, par le choix, par exemple, des musiques qu'on écoute, par le grain des voix de ceux qui parlent, etc. Eh bien, je vous propose d'écouter le grain de voix de Gaston Bachelard. La figure du foyer domestique devient la fournaise d'un soleil ou d'un enfer. Comment mieux dire que la maîtrise d'un feu nous donne la conscience de posséder un pouvoir surhumain. En nous revit alors l'orgueil d'un Prométhée. L'imagination nous consacre errant cosmique. La volonté de puissance s'exalte par l'imagination de puissance toujours prête à outrer toutes les images de la force. C'était donc la voix de Gaston Bachelard. C'est une archive du 29 novembre 1952. On a entendu le nom de Prométhée. Bachelard fonctionne par complexe dans la psychanalyse du feu. Il y a donc le complexe de Prométhée. On pourra parler de celui d'Empédocle plus tard. Il y a aussi celui de Novalis, d'Hoffmann. On pourra en reparler. Jean-Philippe Pierron, on a quand même entendu dans cette archive l'idée qu'un feu domestique est quand même toujours paradoxal parce qu'il contient toujours en lui-même ce désir de surpuissance, de toute puissance de l'homme. Alors là, on est le contact avec la matière presque nous investit d'une puissance, c'est-à-dire que la maîtrise se déborde elle-même, on pourrait dire, Jean-Philippe Pierron. Oui, effectivement, pour ce faire, Bachelard donc effectivement convoque le mythe de Prométhée. Ce qui est en jeu, c'est effectivement de questionner les relations que le feu, mais un feu mythique, on a bien compris qu'il s'agit pas simplement des feux techniquement maîtrisés, même s'il y a un lien bien sûr. Effectivement, cette puissance d'embrasement ou de cosmicisation. Alors qu'est-ce que ça peut signifier? Ce que rappelle Bachelard, c'est que finalement derrière les gestes humains du feu, allumer le feu, si l'on peut dire, allumer un feu en tous les cas, rêver sur celui-ci, si effectivement nous tire du côté de la puissance, il s'agit de travailler sur le type de puissance dont il est question. Il y a une lecture un peu rapide qu'on fait du mythe de Prométhée, et qui est en même temps nécessaire, hein, qui est effectivement un feu volé qui nous rendrait comme des dieux. Voilà, il faut rappeler quand même le mythe de Prométhée, qui est donc Prométhée qui est un titan qui a volé le feu à Héphaïstos pour l'apporter aux hommes, et c'est donc le début du progrès technique pour les hommes. Il a été puni, donc c'est le supplice de Prométhée, oui. Donc son foie dévoré la nuit par un aigle, le jour par un aigle, et son foie repousse la nuit. Vraiment un supplice horrible. Mais effectivement, il faut recontextualiser donc cette idée de cette lecture peut-être un peu primaire du mythe, oui. Qui est qu'en gros le feu c'est un signe d'émancipation et d'autonomie et de progrès technique. C'est ça, c'est qu'il faut l'honorer, hein, parce que finalement, les sociétés humaines, et donc ce n'est pas un hasard que Prométhée vole le feu à Héphaïstos. Héphaïstos, c'est le dieu forgeron, hein, ou le dieu vulcain des Romains, donc le dieu des volcans, c'est-à-dire en fait aussi la possibilité de la forge des métaux et de la cuisson bientôt du pain. C'est-à-dire que finalement, les sociétés humaines se sont construites sur la maîtrise du feu. Mais pour Bachelard, effectivement, les impératifs techniques, comme on le disait tout à l'heure dans le texte sur la dialectique du désir et du besoin, les impératifs techniques sont d'abord habités par des rêveries avant d'être porté par des réponses à des solutions très pragmatiques. Et donc, il faut pas perdre de vue ceci, en fait, quand on lit les mythes. Mais au-delà de cela, effectivement, ce qui intéresse, ce que fait Bachelard, c'est une lecture assez singulière du mythe de Prométhée, parce que au-delà de l'arrachement à nos limites par le feu, parce que effectivement via la forge des métaux, bientôt les armes et les outils vont pouvoir se déployer. Bachelard fait de Prométhée, de la rêverie prométhéenne, fait de Prométhée le modèle du penseur, puisque c'est celui qui a rêvé la possibilité des puissances devant l'âtre, hein. Et lorsqu'il dit moi devant le feu je me mets le menton dans la main comme un penseur de Rodin, eh bien je retrouve cette idée que la méditation du feu augmente ma connaissance, c'est-à-dire en fait augmente la qualité de présence que j'ai au monde en suscitant mes puissances effectivement de dévoration du monde, puisque les feux peuvent être dévorants ou d'engloutissement, mais effectivement il tire du côté de cette dynamique d'une dynamique relationnelle finalement dont le feu est porteur. Et puis le feu, c'est aussi l'image effectivement de ce qui s'enflamme, donc la pensée peut être en feu, la pensée peut s'enflammer, mais il faut quand même rappeler que manipuler du feu de manière domestique, c'est quand même un petit peu aussi le sens de l'archive et des images, et des images qu'on a des flammes qui dansent, il y a toujours quelque chose de dangereux. C'est-à-dire que manipuler un feu a quelque chose parfois de transgressif. On se dit que si on met mal une branche, un bout de bois, le feu peut prendre une ampleur qui nous dépasse. Oui, c'est là aussi, Bachelard rediscute, même du point de vue de la pédagogie, finalement, lorsqu'il commente ce mythe de Prométhée, il discute ce qui peut être un lieu commun de la pédagogie, qui consiste à dire qu'il faut apprendre à se brûler pour se méfier du feu, hein, en disant que il faut apprendre en faisant des erreurs. Voilà, qu'il faut apprendre en faisant des erreurs, et de fait, le feu qui nous brûle, on n'a pas forcément envie toujours d'y revenir. En tout cas, pas trop vite. On a bien compris la leçon. Voilà, ouais. On a compris la leçon, et donc on peut en tirer parfois trop vite l'idée que notre rapport au feu serait l'intériorisation des interdits de l'enfance. Et donc, de nouveau, on revient. Il parle d'ailleurs de petits Prométhées en parlant des enfants qui apprennent à manipuler le feu. Bon, ce qui arrive moins de nos jours, mais c'est une très belle image. Oui, c'est une très belle image, mais au risque de penser que le rapport au feu serait celui d'un rapport uniquement de contention, c'est-à-dire de attention, danger, donc attention, il s'agit d'exercer une forme de maîtrise. Mais ce faisant, en fait, on risque d'occulter et d'amputer toutes les rêveries qui sont activées par le feu. Dans la psychanalyse du feu, je ne sais pas si on peut faire comme ça des références multiples allez-y, dans l'ouvrage, hein, mais un peu plus loin dans le texte, hein, il prendra une autre image, hein, qui est celle du brûlot familial. Hein, donc, de temps en temps, lors des jours de fête, hein, lorsque la nuit commençait à tomber, donc son grand-père... L'accent de Bachelard, on l'a entendu, est un accent champenois, hein, mais qui ne doit pas nous tromper. Hein, ce n'est pas parce qu'il est accentué qu'il ne pense pas, hein, ou qu'il serait qu'un paysan, hein, au mauvais sens du terme. Il est de quelque part, ça c'est sûr. Mais bref, donc il est de Champagne, et en Champagne, eh bien, il y a du champagne, mais il y a aussi de l'eau de feu. De l'eau de feu, une eau de vie que son grand-père s'amusait à brûler de temps en temps les jours de fête. Et donc le brûlot, donc cette qu'on fait, c'est une recette intéressante, hein, donc sans doute les auditeurs connaissent, hein, donc faire brûler donc cet alcool avec du sucre, mais le faire brûler ni trop ni trop peu, hein, pour qu'il garde à la fois son énergie et qu'en même temps il ne soit pas trop sucré. C'est une façon de dire que autour du feu, eh bien, peut se fabriquer de manière se fabriquer du commun, dirait-on dans le langage aujourd'hui, se fabriquer une forme de petite communauté nourrie, instruite, soutenue par des rêveries consistantes. Mais d'ailleurs, on se retrouve autour du feu, on se raconte des histoires autour du feu. Ça, c'est des images assez classiques de romans, de films, où on se retrouve pour se réchauffer, pour se faire la lecture, pour discuter. Et puis, c'est aussi quand même le sens de ce qu'il dit quand Bachelard dit dans ce texte sur la gaufre qu'on a entendu, que le feu prouve son humanité, il matérialise la fête des hommes. Quand on croque dans une gaufre, c'est toute la fête des hommes, la communauté des hommes qui apparaît. C'est ça, il matérialise la fête des hommes. Et Et je pense que cette question de la relation à la fête est majeure. C'est-à-dire que là aussi, qu'est-ce que c'est que la fête pour les humains? C'est la possibilité de se débarrasser des intérêts immédiatement utilitaires, fonctionnels et efficaces, hein, pour oser poétiquement inaugurer un espace ou sentir ensemble, vibrer ensemble, rêver ensemble. Et donc toute la difficulté, enfin ce que fait Bachelard, c'est de questionner d'une certaine façon, sans vouloir être dans l'anachronisme, mais de venir questionner où sont les espaces possibles aujourd'hui où nous prenons soin de ces rêveries collectives en même temps que de nos rêveries personnelles, ben, pour permettre effectivement que les subjectivités soient des subjectivités, hein, et ne soient pas aliénées. Parce qu'au fond, la rêverie chez Bachelard est une rêverie qui sert une survie contre toutes les formes d'aliénation. Autrement dit, elle a une portée émancipatrice. Alors, il y a aussi une autre rêverie, c'est celle d'Empédocle. Alors là, on peut dire quand même que ce que libère le feu, c'est moins une fête que la mort. On écoute. Si nous nous plaçons devant la vie imagée, devant la vie qui devient la vie poétique d'un rêveur qui restitue la vie des actes dramatiques, il ne faut rien oublier. Empédocle s'est jeté dans le cratère de l'Etna. Se jeter dans les flammes, se jeter dans la mer, se jeter dans l'abîme. Se donner ainsi en un seul acte au feu, à l'eau, à la pesanteur. Voilà la volonté saisie au moment où l'être qui veut se donne de toute sa volonté au non-vouloir. L'être et le néant sont des contraires abstraits au regard de la contradiction. Je veux et je ne pourrai plus vouloir. L'acte empédocléen donne une signification poétique qui dépasse la contemplation. De ce jet de tout l'être dans la flamme, de ce passage de la contemplation à la participation, fort peu d'images littéraires sont comptables. Mais dans toute image empédocléenne, on peut découvrir un indice de tentation. Ici, la mort nous tente concrètement. La mort totale, la mort avec preuve, la mort dans l'image, par l'image. Mais la tentation de la mort dans le feu est toujours maîtrisée. C'est donc une tentation fine, une tentation qui a la belle marque de l'imaginaire. On la vit sans danger, en rêvant à la légende empédocléenne. Tandis que le vertige devant l'abîme laisse des marques douloureuses dans tout psychisme, le délicat vertige empédocléen est devenu dans la poétique du feu un vertige de lecture. On lit la légende d'Empédocle sans frissonner. C'est un texte interprété par Hélène Losser qu'on vient d'entendre, un texte de Gaston Bachelard, fragment d'une poétique du feu, c'est le chapitre 3 sur Empédocle. Alors là, on est passé du complexe de Prométhée à celui d'Empédocle, on est passé d'un rêve de maîtrise du feu à un rêve de débordement du feu. Là, le feu se fait embrasement, on n'est plus du tout dans l'émancipation par le feu, mais carrément dans l'anéantissement par le feu. Jean-Philippe Piron. Oui, c'est-à-dire que Bachelard fonctionne souvent par dialectique, hein, et il essaye de tenir le plus longtemps possible cette question de la dialectique, c'est-à-dire qu'en fait ne pas définitivement donner la lulsion ultime en fait du feu, et donc effectivement ici avec le complexe d'Empédocle dont il est question, ça n'est plus un feu qui nous prend. Enfin, c'est plus un feu qu'on prend, c'est un feu qui nous prend, justement. Mmh. C'est-à-dire que se déplacer de sa posture de maîtrise et de fabricant, hein, de titan, pour être soudain celui qui est livré à la puissance absorbante de la flamme. Ce qui est frappant, en fait, il s'agit effectivement avec le complexe d'Empédocle de rappeler ce que dit, en tout cas, au moins la rumeur, hein, qu'Empédocle se serait jeté en fait dans un volcan, hein, et on aurait donc c'est un philosophe présocratique qui serait jeté dans le volcan en Etna. Voilà, dont on n'aurait retrouvé que les sandales, hein, et donc le complexe d'Empédocle fait écho, en tout cas allusion à cela. Mais c'est un texte qui ouvre sur une autre perspective, ou en tout cas qui fait entendre une autre perspective de la pensée de Bachelard, qui est sa pensée métaphysique. Et d'une pensée métaphysique qui est habitée par la question en fait de la mort. Hein. On a pu dire qu'il y avait chez Bachelard une pensée de la mélancolie, une forme en fait de mélancolie, mais de mélancolie sauver in extremis par la puissance du poétique, d'une certaine façon. Hein, donc une forme d'expérience mélancolique, pourrait-on dire, pour reprendre le titre d'un livre récent. Et donc cette mélancolie, elle médite effectivement sur cette puissance en fait du feu qui nous dévore, nous absorbe et nous fait disparaître dans la méditation de l'instant. Alors, ce faisant, effectivement, Bachelard collectionne et mobilise à la fois, bon, d'abord et principalement des images littéraires, hein, celles dont il a fait son terreau privilégié d'analyse, mais on voit très bien comment les arts plastiques ont depuis des siècles creusé cette dimension du feu métaphysique qui nous aliène et nous a néanti au sens de nous réduit à néant. C'est toute la peinture du 15e siècle ou l'art roman qui essaye de figurer ce que pourrait être l'enfer. L'enfer est forcément infernal. Hein. Alors on en parlera demain. En plus, on va parler de Jérôme Bosch demain, des flammes de l'enfer. Donc de Jérôme très bien. Bosch. Et donc que Dante, à sa manière aussi, chantait. Hein. Et donc, autrement dit, ce que fait Bachelard avec la littérature, on pourrait le faire avec l'ensemble de notre culture. C'est-à-dire en fait, comment le feu, c'est la possibilité pour l'humain de toucher cette ultime limite de sa disparition via la question effectivement de l'engloutissement. Alors il y a ce paradoxe dans ce texte qui est d'un côté on voit le paradoxe de l'attirance en fait pour ce qui peut nous détruire. Alors là c'est presque une tendance presque je dirais anti-spinoziste quoi. C'est le contraire de Spinoza. On ne veut pas persévérer dans son être. Au contraire, le feu représente en fait cette attirance pour la destruction. Je trouve que d'ailleurs le fait d'allumer une cigarette avec un briquet représente exactement ce geste-là d'accepter en fait d'être attiré, d'aimer accro à ce qui peut nous détruire. Et de l'autre, on a aussi cette tendance, je trouve, dans ce texte presque érotique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fusion avec le feu. L'homme ne va pas disparaître dans le feu, il ne va pas se détruire. Finalement, il va se régénérer, il va devenir autre chose que lui-même, peut-être plus que lui-même. Oui, alors je vais revenir sur le mot que vous venez d'utiliser qui est central, hein, en fait, la question de la régénération, hein, parce qu'elle convoque une figure qui, dans le dernier Bachelard en particulier, sera décisive, qui est la figure du phénix, hein, l'oiseau en fait qui brûle, hein, et qui renaît de ses cendres. Hein, avant Harry Potter, il y a une longue tradition de méditation de cette figure en fait du phénix. Mais effectivement, ce qui est en question pour Bachelard dans cette expérience effectivement du feu qui avant de nous régénérer peut nous détruire, c'est de effectivement cette dialectique qui ose dans la méditation sur le feu d'aller jusqu'à la représentation possible de ce que signifie pour nous notre propre anéantissement, mm-hmm. notre propre mort, et oser se laisser habiter par cette image de notre mortalité via l'incendie ou ici via l'absorption en fait par le feu, c'est oser se risquer à la possibilité de la fin du temps, hein, pour nous, de prendre la mesure finalement de ce que signifie notre existence mortelle. Hein. Et donc il y a chez Bachelard, hein, une méditation via le feu de la condition humaine mortelle qui pourrait sombrer si elle s'arrêtait là. Mais en fait, elle est les deux, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de ces images de l'anéantissement, mais aller jusqu'au bout, c'est découvrir que ce sont des images. C'est-à-dire en fait qu'il y a encore une ressource du sujet qui les rêve, hein, du sujet qui les habite et qui est encore présent, ce sujet, qui peut être encore vivant, mais vivant ayant traversé le feu. Ce qui fait que la question de la régénération, elle vient à partir de là. C'est pas une régénération qui est d'un claquement de doigts, qui se relèverait d'une décision volontariste. C'est où puiser en moi dans les ressources les plus profondes en fait de mon être lorsque j'ai fait l'expérience de ma finitude pour le dire comme ça, hein, de mon anéantissement, eh bien le fait qu'il y a encore du vouloir vivre, hein, qu'il y a encore du désir d'existence. Et finalement le phénix à sa façon, il est pour Bachelard cette image privilégiée qui nous situe dans cet entre-deux de l'anéantissement et de la possible existence, mais d'une existence qui n'ignore pas l'anéantissement. Autrement dit, il y a une leçon du feu qui nous brutalise ou du feu qui nous consume de l'intérieur. Et il y a dans certaines maladies mentales, Bachelard a beaucoup travaillé avec la psychiatrie, on l'ignore trop, hein, des maladies qui nous consument intimement dans notre puissance d'être, hein, et cette image de la consommation est une image, alors que la psychiatrie contemporaine du diagnostic comment dire très quantifié ne saurait pas entendre, hein. Aujourd'hui le DSM ce qu'il veut c'est des stats, donc de cette façon effectivement l'image de la consommation ne parle plus à la psychiatrie quantitativiste contemporaine, mais pourtant elle parle de nœuds d'existence, hein, majeurs, que la mélancolie, l'autre nom de la dépression ou des troubles dysthymiques, la mélancolie, donc l'expérience du noir, d'un feu noir finalement qui nous consume, eh bien travaille. Et donc Bachelard, il est le, enfin c'est ce penseur là qui va aussi creuser ces images en fait du feu dans leurs recoins les a priori les moins désirables, mais la poétique, comment dire, enfin pour la poétique, il n'y a pas d'image qui ne soit pas intéressante. Hein. On peut aussi oser se laisser travailler par la tristesse, par le désespoir, se laisser travailler, pas nécessairement se laisser envahir. Hein. Et donc la rêverie du feu, elle peut permettre ça. Une fois de plus, le pyromane était un pompier, un sous-officier du bataillon des marins-pompiers de Marseille, a été inculpé d'incendie volontaire. C'est lui qui avait allumé certains des feux dans la région de la Ciotat dimanche. Le marin-pompier a 2 enfants. Pourtant, il n'a pas hésité à mettre le feu aux broussailles, tout près d'un centre aéré à Martigues. Il a expliqué son geste en disant qu'il était déprimé. Henri Guirchoux a demandé à un psychiatre, le docteur Yves Pélissier, comment on pouvait expliquer qu'un pompier aime mettre le feu. Chaque pyromane pose un problème. Il y a des pyromanes qui mettent le feu par représailles. Ça peut se voir en particulier chez des individus insuffisants mentaux. Ils se vengent. Il y en a d'autres qui ont par contre une espèce de rapport très trouble, très morbide, une espèce de jouissance devant le feu, devant l'incendie, dont ils ne voient absolument ni le danger, ni les dégâts qu'ils provoquent, mais la satisfaction qu'ils en tirent. Et les pompiers pyromanes ? Vous savez, on a souvent remarqué que certains métiers, au fond, qui étaient socialement très bien acceptés, avaient des aspects qui étaient à la limite, parfois, d'actions très agressives. Après tout, opérer chirurgicalement, s'occuper de sexologie, faire une enquête journalistique, ça pourrait, d'une certaine façon, évoquer l'agressivité, le voyeurisme, etc. Et il n'y a pas de doute que, dans certains cas, on peut être pompier, parce qu'on a pour le feu un attrait irrésistible. Mais de là à penser que les pompiers sont pyromanes, je crois qu'il faut réellement le réserver à ces cas tout à fait exceptionnels. Alors c'est une archive du 28 juillet 1982 trouvée par notre réalisatrice Laurence Malonda. C'était le journal de 13h sur France Inter. Cette archive assez drôle en fait sur un pompier pyromane, alors analysée de manière assez sérieuse par un psychiatre qu'on a entendu. On retrouve en fait ce que vous disiez, Jean-Philippe Pierron, bon, du paradoxe entre l'attirance et l'attirance pour ce qui peut détruire, cette ambiguïté quand même d'un pompier pyromane, mais aussi quand même cette figure du travail du feu. Oui, d'un côté, enfin, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur ce qu'on vient d'entendre. Hein. D'abord, effectivement, ça revient sur la question de l'onirisme des métiers dont on parlait tout à l'heure. Hein. On pourrait se demander, on pourrait faire peut-être une classification, une typologie des métiers du feu en fonction, en fait, qu'il s'agit des grands feux d'extérieur que sur lesquels travaillent les pompiers ou ceux que travaillent les forgerons ou travaillent les cuisiniers ou les plombiers avec leurs chalumeaux. Hein. Donc, il y a effectivement cette dimension, mais dans on le disait tout à l'heure, en fait, Bachelard en fait se méfie de la réduction de la rêverie sur le feu à la seule pyromanie, à sa réduction pathologique. Il y en a une, hein, et c'est celle qui est rappelée ici par le discours de la psychiatrie. C'était en fait cette idée que allumer un feu, si c'est autre chose, enfin si le pyromane est autre chose et quelqu'un d'autre, que l'incendiaire criminel qui lui incendie pour des ruses immobilières ou par vengeance ciblée. Mais effectivement, si le pyromane cherche dans le fait d'allumer le feu une sorte d'exutoire face à une tension qui le déborde et qui le soulagerait quand il allume et qu'il embrase, chez Bachelard, là, s'il y a une pyrophilie, si l'on peut dire, elle ne se réduit pas à une pyromanie. Peut aimer le feu sans vouloir détruire avec le feu. Tout à fait. Ce qui serait ensuite intéressant, c'est de voir qu'effectivement, la plupart du temps, c'est intéressant d'observer que les métiers des pompiers travaillent sur cette question de la pyromanie. J'ai discuté avec des pompiers en fait qui m'expliquent comment justement qu'est-ce qu'ils font avec cette dimension non seulement affective mais aussi pulsionnelle qui est attachée au fait d'être un travailleur du feu. C'est-à-dire cette idée que parfois on peut être envahi par la volonté d'être de ce feu-là parce que ça sera le feu du siècle. J'imagine que ça devait être quelque chose d'être, même si c'était extrêmement dangereux, de travailler sur le chantier de Notre-Dame enflammé il y a quelques années. Au-delà de cet aspect, le travail des pompiers professionnels aujourd'hui, c'est précisément de médiatiser leur rapport à leurs affects par des techniques. C'est-à-dire que le feu qu'ils travaillent, c'est plus le feu. Ce sont des qualités de flamme, ce sont des qualités de fumée. C'est-à-dire une utilisation de ce que nous apprend la chimie, et donc ce que Bachelard recherchait du côté des approches rationnelles du feu, bien une mobilisation du côté des techniques des sapeurs-pompiers, de ce que leur apprennent les sciences de la chimie. Mais Bachelard rêve, si j'ose dire, rêve des travailleurs de la matière du feu où s'engage un corps à corps, où les pompiers, par exemple, ou le forgeron va s'engager vraiment dans la chair du monde en travaillant le feu ou avec le feu. Alors là, ce que vous venez de me dire, Jean-Philippe Pierron, c'est que finalement, il y a une sorte d'échec quand même à travailler le feu, puisque c'est toujours la matière sous sa forme physique qu'on va travailler. Qu'est-ce qui peut ressortir de ce que rêvait Bachelard d'une œuvre presque poétique dans ce travail de la matière, dès lors en fait qu'on a tout technicisé, dès lors qu'on a tout rationalisé ? Je pense que il reste encore. C'est sûr que dans le travail des sapeurs-pompiers, il s'agit sans doute pour eux de pas s'arrêter trop longtemps sur la féerie du feu. Oui, ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils en ont pas le temps et c'est pas ce qu'on leur demande. Et donc, s'il y a une rêverie du feu, et il y en a sans doute une, c'est une rêverie qui est instruite, maîtrisée et médiatisée, parce que de fait, une explosion de fumée, un embrasement généralisé ou une inflammation possible, ce sont des qualités physico-chimiques qu'il faut apprendre à discriminer, et donc il s'agit de mettre en suspens la question de la rêverie. Mais néanmoins, il reste quand même un onirisme, y compris du sapeur-pompier, mais d'un onirisme qui n'est pas nécessairement l'onirisme pathologique dont on parlait tout à l'heure. Donc effectivement, qu'est-ce qui reste ? Je crois que c'est le défi qui est lancé pour ces métiers, mais pour tous les métiers d'aujourd'hui, sur comment on oserait encore parler du fait que le feu, par exemple, peut nous faire rêver, peut nous-mêmes nous fasciner, y compris quand on fait ces métiers, sans que pour autant, disant cela, on soit suspect d'être un pyromane. Et je crois qu'il y a finalement, nous sommes dans les cultures où ces expériences, en fait, sensibles du rapport au feu dans le cadre des métiers, sont devenues pudiques. Sont venus plutôt impudiques. C'est-à-dire qu'il vaut mieux les taire, parce que potentiellement, puisque nous sommes dans les sociétés qui traquent le risque, et le risque, il peut être dans le poétique aussi, on ne le formule plus. Et c'est probablement dommage. Et que reste-t-il de la rêverie ? Ce sera ma dernière question, Jean-Philippe Pierron. C'est un texte qu'on voulait faire entendre, donc je vais en lire quelques lignes. Quand en fait on ne prépare plus un feu, mais quand on a juste à appuyer sur un interrupteur. Bachelard nous dit, c'est dans la flamme d'une chandelle, « L'ampoule électrique ne nous donnera jamais les rêveries de cette lampe vivante qui, avec de l'huile, faisait de la lumière. Nous sommes entrés dans l'ère de la lumière administrée. Notre seul rôle est de tourner un commutateur. Nous ne sommes plus que le sujet mécanique d'un geste mécanique. Nous ne pouvons pas profiter de cet acte pour nous constituer en un orgueil légitime comme le sujet du verbe allumer. » Oui, je pense que ce que dit Bachelard ici, c'est pas un moraliste Bachelard, mais c'est probablement nous alerter sur le fait que notre rapport au feu, comme le rapport aux éléments en général, peut faire l'objet d'un soin. éthique, politique, institutionnelle et organisationnelle. Oui, c'est presque une pensée politique, là. Pour le coup, chez Bachar, il n'y a pas trop de politique, mais là, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'analyse de la civilisation, du progrès et du politique. Voilà, c'est-à-dire que, comme toujours, chez Bachar, il y a un suspens sur la question en fait, politique, et donc de la question politique à la question... Enfin, de la question politique à la question politique, le chemin n'est pas droit. Hein. Mais ce qu'il questionne, c'est comment il est possible de laisser dans nos espaces-temps sociaux, et je pense que les questions d'écologie, à leur manière aujourd'hui, réactivent ces questions, et la place, effectivement, pour la rêverie des matières et la rêverie du feu en particulier. Ce qui est quand il parle de lumière administrée, on peut très bien lire ce texte. La lumière administrée, elle naît avec Louis XIV, le roi soleil, mais qui veut justement une lumière contrôlée pour pouvoir mater les émeutes potentielles. Contrôler les sujets. Voilà, pour contrôler les sujets et droit de regard sur eux. Mais au fond, la question de la lumière administrée, eh bien, elle pose en regard de celle-ci, celle précisément d'une lumière qui serait poétisée. Et donc aujourd'hui, alors qu'on parle de pollution lumineuse, on pourrait inversement questionner ce que serait qu'une poétique des lumières travaillée par les architectes, travaillée par les urbanistes, et notamment dans les qualités possibles des feux. Alors c'est sûr que nous avons tellement sécurisé nos espaces urbains que ces questions deviennent presque impossibles à entendre. Alors elles le sont. Alors là, on dérive doucement, parce que quand Bachar analyse le feu en physicien, il dit attention, il y a le problème de la chaleur, il y a la question de la flamme, ou la question de la lumière. Donc la lumière, c'est une partie du feu, c'est pas tout le feu. Mais effectivement, ce que ça questionne aujourd'hui, c'est quelle place nous laissons dans nos manières de faire monde aux espaces-temps du poétique. Au début, il y avait la terre, la mer et le ciel, des forêts verdoyantes et des rivières de miel, des fruits d'or poussés sur les arbres, la vigne s'enlacer discrètement sur des colonnes de marbre où nichaient des oiseaux de toute espèce dans un balai sans éternel. C'était une pièce mise en scène par un maître parfait, et dans ce tableau l'homme fut élevé. On racontait que si l'Éden fut l'écrin de ce monde établi, l'humain devait être le rubis qu'il avait sorti. Peut-être à sa première heure, lorsqu'il n'avait pas peur des choses qui meurent, le bonheur était une somme de choses simples, d'une vie dans un état appelé harmonie. L'homme prospérait, le monde embellissait, dans cette ère de paix, le roi s'appelait Prométhée. Prométhée, Prométhée. De rien, protégé de Dieu et respecté par les siens. Mais une nuit dans ses rêves, Eblis se visita et lui demanda: Dieu est-il plus fort que toi? Lui offrit un coffre renfermant tous les malheurs et lui insuffla la haine et l'envie dans le cœur. Le lendemain fut le premier jour triste sur la terre. Prométhée assassina son propre frère, lui ravit ses biens, enleva son épouse, réduit en esclavage les tribus au nombre de 12. Il leva une armée forte et robuste pour gouverner d'une manière cruelle et injuste. Merci beaucoup Jean-Philippe Pierron. Je suis contente de pouvoir citer quelques-uns de vos livres. Donc Les rêveries de Gaston Bachar dans l'excellente collection des Petits Platons, édition des Petits Platons, c'est paru en 2012. Les puissances de l'imagination, édition Cerf en 2012 aussi. Votre dernier, parmi vos derniers livres parus, Philosophie du soin, économie, éthique, politique et esthétique aux éditions Hermann. Et puis Je est un nous qui est paru aux éditions Actes Sud dans une très belle collection qui s'appelle Les mondes sauvages. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. La clé des livres de philosophie est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'un livre de philosophie ? Pourquoi nous fascine-t-il ? Comment les lire ? C'est une question qu'il faut se poser et qui surprend toujours ceux qui, pour qui la philosophie, et c'est tout le monde au fond, n'est jamais seulement une question personnelle ou un problème immédiat et vital, mais aussi une rencontre avec des philosophes et avec leurs œuvres. Mais pourquoi sont-elles à ce point fascinantes et toujours un petit peu mystérieuses ? C'est pour une raison très simple. C'est que la forme du livre, et on pourrait dire de l'expression en philosophie, même d'une seule phrase, parfois d'un fragment, qui nous reste d'un philosophe, cette forme de l'expression en philosophie est toujours liée, évidemment, au contenu et plus précisément à l'invention d'une réponse et parfois d'une question elle-même pour faire face précisément à une expérience fondamentale parmi les humains dans tous les domaines, que ce soit la science, la politique, l'éthique ou l'esthétique, par exemple, une question qui porte sur les principes. C'est ce lien, finalement, entre une nouvelle réponse et même une nouvelle question et une expression, une forme, depuis l'aphorisme très court jusqu'au grand traité de 1000 pages, c'est ce lien qui fait la singularité, le mystère et aussi la beauté de la philosophie. Et ça peut prendre deux formes. Si le livre est simple, ou si l'énoncé paraît simple. En fait, c'est toujours quand il y a philosophie, parce qu'il se rapporte à quelque chose de nouveau qui nous semble en effet très profond, très mystérieux. Donc même dans la phrase la plus simple, par exemple « je pense, donc je suis », eh bien cette simplicité renvoie à quelque chose de fondamental et n'est pas une simplicité, j'allais dire, produite a priori sur vêtements sur mesure, comme dit l'autre, et d'une certaine façon nous alerte aussi contre la fausse simplicité qui est un produit industriel d'usage sans intérêt, en quelque sorte. Quand le livre est compliqué, en revanche, là aussi, il y a deux cas de figure. Il y a bien sûr la complication des imposteurs, le jargon des charlatans. Mais la vraie complication philosophique, c'est inversement celle qui renvoie à une simplicité profonde, à une thèse tout à fait simple, cachée au cœur du livre, comme dans l'éthique de Spinoza ou la critique de la raison pure, qui nous font peur par leur construction. Mais chacun sent que, comme disait Deleuze, citant un roman de Malamude, disant que dans l'éthique de Spinoza, il y avait tout de suite quelque chose comme un courant d'air, eh bien en effet, la complexité de certains livres de philosophie est impliquée par leur question, qui est elle-même profondément simple. Tous les grands livres de philosophie, les plus difficiles soient-ils en apparence, ont quelque chose d'extrêmement simple. C'est leur clé, qui, comme je le disais, est cachée à l'intérieur, souvent en leur cœur, parfois dans le chapitre central, parfois dans la conclusion, et que le philosophe lui-même cherche à produire. D'une certaine façon, ainsi, les livres de philosophie font partie de la philosophie elle-même et construisent non seulement le problème de leur auteur, mais la figure de leur lecteur, de chacun de nous. André Pessel, grand philosophe, grand professeur de philosophie, a, de manière posthume, publié son travail sur l'éthique de Spinoza. Dans l'éthique de Spinoza, c'était sa thèse. Chaque livre de philosophie nous construit comme sujet à la recherche d'une clé, une clé qui vise à ouvrir toutes les portes et tous les secrets. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Carla Michel, Jules Barbier, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert et Laurence Malonda à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Jean-Guilain Meige et Hélène Losseur à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission de notre série Sur le feu chez Gaston Bachelard, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Mais de toute façon, on se retrouve demain puisque je vous donne rendez-vous pour la suite et la fin de notre programme de feu, Les Flammes de l'Enfer, chez le peintre Jérôme Bosch, et ce sera avec Michel Vimens.